Dans ma galaxie. J'ai le cœur rempli de peine. Bouddha, j'ai le cœur qui saigne. Je nique le matin, je ressors qui zen. Il en faut pour sonner mes peines. Oh Elvira, on se taille de là. Sous le tour de ma ville, en balade dans ma favela. J'baisse Paris, Hilton. M'habite sous la tour Eiffel. Ouais, Bouddha, décolle. Cette année, j'monte le level. J'ai le bis comme Tony. Les ennemis, j'les aime à la folie. Trop de fils de pute, ma jolie. Dans ma galaxie. Faut que le pélican, humain mauvais, j'ai les mêmes pleins de sang. J'les baisse, y'a l'aiguille qui tourne, j'ai plus le temps. Pas de speed hypocrite, fuck tes partages. La plaquette coupée, chauffe à l'étage. Qu'on m'enlève le cœur, que j'garde la rage. Dans ma galaxie, en bonne à la street. J'ai les couilles en orbite, ma belle on gravite. J'sais que tout va vite, coursé par la bague ma ville. Écoutez même dans ta ville, elle vira la vue sur les îles. Dans ma galaxie. Dans ma galaxie.